Chapitre 16. Les femmes aiment les vaillants et les victorieux. Ce fut sans doute en vertu de ce goût noble, si remarquable chez son sexe, que Madame de Montrescan parut tout à coup pardonner à l'officier de chasseur sa méchante mine et sa méchante réputation, et qu'elle commença même visiblement à honorer d'une bienveillance particulière un homme pour lequel elle avait montré jusque-là une indifférence méprisante voisine de l'aversion. Si peu préparé qu'il fût à des bonnes fortunes de cette volée, M. de Sontis ne put guère se méprendre sur le caractère des attentions dont il était favorisé. Il n'y répondit cependant d'abord qu'avec beaucoup de réserve, soit qu'habitué à de basses amours de garnison, il se trouva intimidé devant une élégante et raffinée mondaine comme Jeanne de Montrescan, soit qu'il flaira, car il était très fin, quelque piège inconnu sous des prévenances dont il avait peut-être le bon esprit de se sentir indigne. Si étrange que fût l'aventure, il ne paraissait pas douteux que cette femme charmante, délicate et chaste se fût éprise de ce mauvais sujet blême et vulgaire. Pendant la dernière semaine du séjour que le jeune officier devait faire à la Vénerie, les symptômes de la folle passion de Jeanne se trahirent de plus en plus aux yeux curieux et jaloux qui l'observaient. On s'étonnait même beaucoup qu'un manège si significatif échappât à celui qui avait le plus d'intérêt à le remarquer, c'est-à-dire au baron de Montrescan, qui avait pourtant fait ses preuves de susceptibilité conjugale. On s'en étonnait d'autant plus que Madame de Montrescan ne se piquait pas d'une dissimulation extraordinaire. Elle était plutôt imprudente. Elle donnait souvent à son mari le spectacle de ses apartés mystérieux avec M. de Sontis. Elle choisissait maladroitement le moment où son mari traversait la cour pour jeter par la fenêtre une fleur de son corsage à l'officier de chasseur. Elle s'attardait avec lui dans les promenades à cheval, se perdait dans les bois, et ne rentrait qu'à la nuit tombante, au moment où M. de Montrescan commençait à s'impatienter, sinon à s'inquiéter. Finalement, elle valsait toute la soirée avec le capitaine, en lui parlant dans le visage avec des sourires et des œillades à lui mettre le feu dans les veines. Si réservé et si défiant qu'eût paru d'abord M. de Sontis, il était impossible qu'il résistât longtemps à de pareilles démonstrations. Peut-être aussi reçut-il des gages suffisants pour dissiper ses premières appréhensions. Quoi qu'il en soit, il ne tarda pas à partager la passion violente qu'il avait su inspirer. Il apporta même dans cet amour si nouveau pour lui une sorte d'exaltation sombre et farouche dont Madame de Montrescan paraissait s'amuser. M. de Montrescan continuait de ne rien voir. Cependant, pour une raison ou pour une autre, il était préoccupé. Il était moins expansif, moins bruyant, moins prépondérant que de coutume. Il devenait presque mélancolique. Son visage haut en couleur se nuançait par moments de taches pâles ou vertes. Un observateur intelligent eût été frappé des regards audacieusement ironiques que sa femme attachait parfois sur lui et auxquels il semblait se dérober avec ennui.